Book 2 58 58 58 أجزاء الجسم Les parties du corps Les parties du corps أرسم رجلا Je dessine un homme. Je dessine un homme. الرأس أولا. D'abord, la tête. D'abord, la tête. الرجل يرتدي قبعة. L'homme porte un chapeau. L'homme porte un chapeau. الشعر لا يراه أحد. On ne voit pas les cheveux. On ne voit pas les cheveux. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. On ne voit pas non plus les oreilles. On ne voit pas non plus les oreilles. الظهر لا يراه أحد أيضا. On ne voit pas non plus le dos. On ne voit pas non plus le dos. أرسم العينين والفم. Je dessine les yeux et la bouche. Je dessine les yeux et la bouche. الرجل يرقص ويضحك. L'homme danse et rit. L'homme danse et rit. الرجل له أنف طويل. L'homme a un long nez. L'homme a un long nez. هو يحمل بيديه عصا. Il porte une canne dans ses mains. Il porte une canne dans ses mains. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Il porte également une écharpe autour du cou. Il porte également une écharpe autour du cou. الفصل شتاء والجو بارد. C'est l'hiver et il fait froid. C'est l'hiver et il fait froid. الذراعان قويتان. Les bras sont musclés. Les bras sont musclés. الساقان أيضا قويتان. Les jambes sont également musclées. Les jambes sont également musclées. الرجل مصنوع من الثلج. C'est un homme fait de neige. C'est un homme fait de neige. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Il ne porte ni pantalon ni manteau. Il ne porte ni pantalon ni manteau. لكن الرجل غير بردان. Mais cet homme n'a pas froid. Mais cet homme n'a pas froid. هو رجل من ثلج. C'est un bonhomme de neige. C'est un bonhomme de neige.